Stop aux arrestations, stop aux expulsions, stop aux centres fermés. Pour les amoureux sans papier, pour les enfants scolarisés sans papier, pour les malades sans papier. Ni frontières, ni nation, liberté de circulation, liberté d'installation. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Voilà, donc vous avez entendu, c'est le clip de la coordination des sans-papiers qui avait été fait il y a déjà un petit moment, mais qui est toujours d'actualité. Et ce soir, donc, nous avons invité des femmes sans-papiers, puisque on vient de passer la Journée internationale des droits de la femme, et qui devrait être d'ailleurs pas une journée, qui devrait être tout le temps. Et donc, nous nous sommes permis d'inviter des femmes sans papier qui sont là en Belgique depuis longtemps. Donc, il y a Hélène. Hélène qui est là depuis combien de temps ? Je suis là depuis 2010. Ça fait maintenant 10 ans, ouais. Okay. Bintou ? Je suis là depuis 2016. Ça fait 4 ans maintenant. Et Fatoumata ? Oui. Je suis là depuis 2016, ça fait 4 ans. Et alors vous venez toutes les deux, Fatoumata et Bintou, vous venez de Guinée. Et Hélène, tu viens du Congo. Du Congo, oui. Voilà. Et donc on vient, on leur a demandé de venir ici à l'émission parce qu'il y a des gros problèmes vis-à-vis des femmes sans papiers, enfin bon, vis-à-vis de tous les sans papiers, mais en particulier des femmes. Donc, je pense que Bintou, tu avais envie de lire un texte que tu avais lu le 8 mars, c'est ça ? Oui. Et que tu aimerais bien relire aujourd'hui. Pour, je pense que c'est pour mettre en valeur la problématique des femmes sans papier ici à Bruxelles, en Belgique en général. Tout à fait. Voilà, on t'écoute. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tu parles bien dans le micro. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je suis Touré Bintou, membre de la coordination des sans-papiers de Belgique. Mesdames et messieurs, à l'heure où nous sommes ici, partout dans le monde, toutes les minutes, le droit à l'intégralité et à l'autonomie corporelle des milliers de femmes est violé. Et toujours, dans de nombreux pays, les mœurs et les coutumes entravent l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Ces diverses situations poussent plusieurs femmes sur la route de la migration pour avoir plus de droits, de liberté et de sécurité. Malheureusement, quand on arrive ici, dans ces pays qui se disent droits, dans ces pays de droits, nous n'avons pas toujours des droits, car nos droits sont confisqués par les politiques d'asile et migration avec son droit de séjour. Dès lors, on reste dans les mêmes réalités comme dans nos pays d'origine, où nous sommes aux mains de tierces personnes. Mesdames et messieurs, en tant que femmes sans papier, nous sommes privées de tous les droits. Pas de droit de séjour, donc pas de droit de travail, ni le droit à la formation. La situation des femmes sans papier c'est la tragédie de l'indifférence des politiques. C'est l'expression même du mépris vis-à-vis de l'humain. On ne peut pas lutter pour les droits des femmes en feignant la situation des femmes sans papier. Laissez-moi vous dire, en tant que femme sans papier, nous sommes vraiment installés dans la zone rouge de la souffrance. Nous sommes au bout de la chaîne des personnes les plus précaires. Lorsqu'une femme n'a pas de droits, sa situation à elle touche aussi ses enfants et toute sa famille. Déjà, les femmes travailleuses sont pauvres. Les femmes qui touchent l'aide sociale sont pauvres. Combien de fois les femmes sans papier sont pauvres? La pauvreté des femmes est le reflet d'une société qui est loin d'avoir résolu la question des inégalités femmes-hommes. L'aggravation de la pauvreté chez les femmes en général et chez les femmes sans papier en particulier montre que les femmes et les hommes politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux et de l'urgence. Mesdames et messieurs, la meilleure des solidarités avec les femmes, c'est de dire non à une société qui bafoue les droits des femmes. Un État qui ne donne pas des droits aux femmes ne peut pas prétendre être un État de droit. La lutte pour les droits des femmes est une affaire de toutes et de tous. Il faut tout faire pour que l'égalité des droits devienne une réalité. Il n'y a pas d'excuse pour un gouvernement qui refuse des droits aux hommes. L'absence des droits aux femmes sans papier nous déshumanise, nous sédentarise et nous tue à petit feu. Les institutions se doivent de nous sortir de cette situation qui devient insoutenable. Ne pas le faire, c'est se rendre complice de ces violences faites aux femmes. C'est rendre légitime l'exploitation des travailleuses sans papier. En principe, les droits des femmes ne sont pas négociables. Point. Arrêtons avec les bonnes déclarations, mais plutôt passons aux actes. Raison pour laquelle, du haut de cette tribune par ma voix, les femmes sans papier demandent aux féministes, aux femmes politiques, de plaider du jour au jour l'accès au droit à des milliers de femmes qui en sont privées. Il faudrait que la situation des filles et des femmes sans papier devienne une priorité pour nos décideurs. Tous les partis politiques doivent placer les droits des femmes au cœur de leurs préoccupations et de leurs engagements, et de prendre les mesures nécessaires pour faire de l'égalité des sexes une réalité dans tous les domaines de la vie. Et cela sans exclusion aucune, donc y compris les femmes sans papier. Avant de conclure mes propos, je vous invite à prendre massivement part à deux rendez-vous qui nous tiennent à cœur. Le 21 mars 2020 à la Gare du Nord pour dire stop au racisme en exigeant une société qui donne une place à la diversité. Le 19 avril 2020, toujours à la Gare du Nord, à 13h pour revendiquer avec la coordination des sans-papiers et l'ensemble de ses soutiens une régularisation des sans-papiers sur base de critères clairs, précis et permanents, qui seul pourra faire accéder aux femmes sans-papiers les droits dont elles sont privées. Merci. Voilà. Alors, suite à ça... Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Bint? Bon, ce que vient de dire Bint, c'est vraiment misérable pour les femmes sans papier. Ce que nous vivons ici, c'est vraiment très, très difficile avec les enfants. Nous sommes bloqués de tous les coins. On ne sait pas nourrir les enfants. Payer des frais scolaires, c'est difficile. Au moment où tous les enfants, comme dit ici, sont égaux. C'est la loi belge qui dit ça. Tous les enfants sont égaux, ils ont droit à tout. Mais pour les enfants sans papier, ce n'est pas ça. C'est le contraire. La loi est là, mais elle n'est pas pratiquée. Les enfants des sans papier souffrent intérieurement. Parfois, ils n'arrivent même pas à s'exprimer. On a déjà eu des cas d'un enfant comme ça qui s'est enfermé dans sa chambre parce qu'il n'a même pas pu aller au voyage scolaire avec ses amis de l'école. Vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est admissible pour nous, les femmes sans papier. Moi, il y a des fois, je reçois les étudiants de ILB qui viennent souvent me demander pour faire... tu vois, ils ont l'habitude de faire des recherches comme ça sur les sans-papiers. Et souvent, les étudiants de ILB qui viennent me voir pour me poser des questions sur la vie des sans-papiers. Mais moi, je me suis dit, on parle souvent de ça. On explique comment on vit, mais il n'y a pas toujours de changement. La dernière fois, j'ai même parlé à l'un de ces étudiants quand il est venu me voir pour me poser toujours les mêmes questions. Je lui ai même demandé, est-ce qu'après, quand vous posez des questions comme ça, après vous, maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est seulement pour vos intérêts ou vous défendez aussi les droits des sans-papiers? Bon, il me dit, voilà, parfois nous, on parle de ça, mais il n'y a personne qui nous écoute. Vraiment, moi, je vais demander à l'État belge qui doit voir les cas des enfants. Les enfants souffrent. Nous sommes incapables de satisfaire nos enfants. Tout le temps, on doit promettre, mais quand on n'arrive pas à réaliser, c'est difficile. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et toi, Fatoumata, qu'est-ce que tu peux ajouter? Oui, ce que Bintou vient de dire, c'est de la réalité. Les femmes sans papier souffrent beaucoup, énormément. Je connais une femme qui a été victime d'un viol de son colocataire. Et la femme voulait aller se plaindre à la police, mais compte tenu de son état, elle n'a pas pu. Donc, on est exposé à tout. Donc, vraiment, si l'État peut faire quelque chose pour nous, vraiment, ça l'aide bien. Sinon, ça ne va pas du tout. Même quand on est malade à l'hôpital, ce n'est pas comme ça. On a les carnets médicaux, mais là, ce n'est pas toutes les maladies qu'ils prennent en charge. Et en plus, pour prendre, pour renouveler aussi, ça traîne trop. Des fois, si ça trouve que tu as une maladie qui n'attend pas, c'est des catastrophes. Vraiment, ça ne va pas du tout. On souffre. Donc, l'État n'a qu'à nous aider. C'est tout ce que je peux rajouter. Et quels sont vos parcours pour venir en Belgique? Vous avez des parcours différents, je pense. Bintou, toi, qui me répond? Oui, c'est pas facile. Parce que on a quitté des situations très difficiles dans nos pays. Parce que si tu vois une femme qui a des enfants, laisser ses enfants derrière, c'est pour sauver sa vie. Tes enfants sont au pays? Mes enfants sont au pays. Donc tu as quitté tes enfants? J'ai quitté 3 filles. La dernière avait 1 an, 6 mois lorsque j'ai quitté. Donc c'est des situations très difficiles qui nous poussent à quitter notre pays. C'est pour sauver nos vies. Moi particulièrement, c'est pour sauver ma vie que j'ai quitté mon pays. Sinon, aucune femme ne peut laisser un enfant derrière soi. Mm-hmm. Quand on vient ici, c'est pour sauver nos vies. Mais arrivé, tu rencontres des difficultés qui te tuent à petit feu. Tu es privé de tous les droits aussi. Bien sûr, tu vis, mais c'est comme si tu es dans un cauchemar. C'est comme si tu n'existes plus. Parce que tu es là, c'est ton ombre qui est là. Ton cœur reste au pays, auprès de tes enfants. Si tu es incapable d'être avec tes enfants, ça tue une femme à petit peu. Mm-hmm. Et même celles qui sont là, comme vient d'expliquer ma collègue, même si tu es avec tes enfants ici, tu es privé de tes droits. Ce n'est pas une vie. Donc, c'est pourquoi les femmes sans papier, nous souffrons. Nous souffrons beaucoup. Il y a plusieurs souffrances que nous subissons. Il y a des souffrances physiques qu'on a subies au pays. Quand on vient ici, il y a la souffrance émotionnelle, psychique, qui nous tue à petit feu. Donc, être sa femme sans papier, c'est être dans une souffrance indescriptible. C'est être dans une souffrance que tu peux même pas expliquer. Tu quittes une souffrance physique pour venir tomber dans une souffrance émotionnelle. Ça traumatise, en fait. Ça traumatise la femme. Ça détruit la femme. Tu te retrouves sans droit. Tu as quitté un pays où tu n'as aucun droit. Tu as quitté un pays pour sauver ta vie. Tu viens dans un pays où on dit que tout le monde est libre. Toi, tu te retrouves enfermé sans être en prison. Mm-hmm. Tu es vraiment enfermé de tous les côtés. Tu n'as aucune liberté, tu n'as aucune marge de manœuvre. Ça détruit l'être humain. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas facile d'être mm-hmm. une femme et d'être sans papier. Mm-hmm. Et tu as des nouvelles de tes enfants ? Pas du tout, ce n'est pas facile. Mes enfants ne sont pas en ville, ils sont dans un village. Donc, ce n'est pas à tout moment que je peux être en contact avec elles. Mm-hmm. C'est très difficile. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça là qui nous fait souffrir énormément. Non, je voulais juste intervenir pour faire une petite pause musicale. parce que voilà, il y a une demi-heure qui est passée, mais c'est super important tout ce que vous venez de dire, et je veux juste accentuer ça avec une chanson apparemment d'une femme africaine, chanteuse qui est très connue pour son combat pour les femmes en Afrique. Elle s'appelle Oumou Sangaré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, oui. Mais apparemment elle est déjà depuis un long bout de temps en combat. Et donc elle chante une chanson pour les droits des femmes. Corolla, Cheba, Ucogurato, Cheba. duye sebeiri ye asuma bi yoronya muso ka fara cheba korola cheba u konmanandi alaya bela madam muso yo angana che so foke ala bambe do muso yo susi kani bila cheba fe alaya bela fofuru kala uyo muso si kana che so foke alaya bela muso yo susi kani bila cheba fe alaya bela Saite hina na wa ikahina muso baula muso utorola sa alaya bela ngo no muso kululu muso beka wini alaya bela anje ya paso bara fe ya sa umbe horo ya alaya bela maliko no muso baulo muso te wili wa alaya bela anje ya kalango ina ya sa umbe tanye alaya bela furu tu ye jigi ya ube bana Dabora sutura kama sutura te furu la tu Furu dabora dame ma dame ube doyara Furu dabora jigi ma jigi ube bana Ima do muso uyo angana che sofoke alanyambela Muso uyo susikani bile chepake alanyambela Kofuru gela uyo susikana che sofoke alabambela Muso uyo susikani bile chepake alanyambela Ima do muso uyo Netena che so foke ala yambela Muso uyo susi kani bila che pape ala yambela Voilà, donc nous sommes toujours sur l'émission Tranche d'un art. Alors je voulais savoir, bon je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, enfin vous, au moins vous trois, vous participez quand même à plein de choses, à des meetings, à des conférences, à des manifestations, et faut pas que je bouge, dans j'entends des manifestations, notamment il y a eu une conférence, donc c'était mercredi dernier, je crois, oui c'est ça, mercredi dernier, qu'est-ce qui se passait à l'Université Populaire, où tu es intervenue. Toi, tu étais là en tant que spectatrice. Et Fatoumata, tu étais là aussi, à la conférence de mercredi. Oui. Oui. Et donc, on va vous passer une intervention de la fondatrice du GAMS, qui s'appelle Madame Myriam... Kadiatou Diallo. Kadiatou Diallo ? Ah oui, bah, je confondais avec une autre. Kadiatou Diallo. Et donc, suite à cette intervention, on vous posera des questions pour savoir ce que vous en pensez, de ce qu'elle dit. Ça va ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivée ici, j'avais à peine 28 ans. Et mes sœurs, là, ils ont parlé, et les autres ont parlé des problèmes familiaux. Je pense que moi, je n'ai pas fui la politique chez moi, parce qu'on avait les droits au niveau politique, mais j'ai fui le problème de tradition et culturelle. Moi, j'ai fui les mutilations génitales féminines, j'ai fui les mariages forcés. On ne m'a pas amené à l'école, parce que j'avais dit que c'est les garçons qui vont aller à l'école, mais pas les filles. Et j'ai été mutilée à l'âge de 7 ans. J'étais mariée à l'âge de 12 ans et j'ai eu ma fille à peine j'avais 12-13 ans. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Donc, quand je suis arrivée ici en Belgique, je ne savais pas lire et écrire. et j'ai appris à lire et à écrire au collectif d'Alpha ici à Saint-Gilles, à rue de Rome. Et j'ai passé mon COB, j'ai mon certificat de base. Et mon thème pour faire mon COB, c'est sur les mutilations génitales féminines. C'est à travers ce travail-là que j'ai créé le GAMS Belgique, et qu'aujourd'hui qui est international. Et au début du GAMS, mon objectif, c'était aider les femmes qui ont des problèmes de séjour, mais aussi des problèmes familiaux, de violence. Et ce genre de violence n'était pas connu en Belgique, les mutilations génitales féminines. Donc, tout début, j'ai dû me battre politiquement pour que le CESERA reconnaisse comme une violence et que les femmes puissent demander asile aux bases des mutilations génitales féminines, aux bases du mariage forcé. Quand j'étais élue en 2005 comme femme de l'année, j'ai profité de l'occasion de mettre la pression sur les politiques pour obtenir cette demande, mais aussi de pouvoir de travailler avec la loi, parce qu'il n'y avait pas de loi, donc on a obtenu une loi qui interdisait les mutilations génitales féminines. Donc, la violence, pourquoi les femmes fuient chez nous, en Afrique et d'autres pays? Si chez nous était bien, il n'y a personne qui a envie de prendre les bagages et de quitter chez soi. C'est parce que ça ne va pas. Moi, au niveau politique, je n'avais pas de problème. Mais c'est le problème familial qui a fait que j'ai quitté chez moi. Parce que j'avais rien, j'ai aucun droit. Quand j'étais divorcée avec mon premier mari, parce que j'ai fait 6 mois et 7 jours, j'ai fouillé tout le temps, et un autre est pointé, ah bon, c'est une jeune fille qui sait bien faire la cuisine, qui sait bien faire la vaisselle et le linge. Je dis, mais je ne suis pas destinée seulement pour ça. J'ai envie de faire autre chose que de faire le ménage. Et là, malheureusement, ce mariage-là, je suis tombée enceinte parce qu'on ne connaissait pas les pilules. Sinon, je n'allais pas avoir les enfants si tôt, malheureusement. Mais je suis heureuse d'avoir mes enfants, parce qu'ils sont formidables. Mais pour ce qui concerne les papiers ici en Belgique, je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des complications. Mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de paramètres du fait que politiquement, ceux qui permettaient d'alléger pour qu'on obtienne le séjour, ils ne sont plus au pouvoir. Et c'est ça le notre problème. À l'époque, moi personnellement, quand je donnais des formations dans les centres, et quand je voyais des femmes qui avaient des droits, on pouvait téléphoner, on pouvait accompagner et alléger les dossiers et trouver de bons avocats pour argumenter. Mais aujourd'hui, même ça, on ne peut pas. On a des droits et il faut les connaître. Il y a le soin qui est là, d'urgence. Il y a le médecin du monde. Si vous avez des problèmes, il faut connaître le créneau. Et ça, c'est si vous voulez avoir des informations, passez au GAMS, on vous donne les informations. Nous aussi, on donne des formations. Donc, j'ai créé le GAMS depuis 1996 et 2021, ça va avoir 25 ans. Mais j'ai en train de créer une autre association qui s'appelle le SATINA. Et ça, c'est pour former les femmes. C'est pour aussi qu'on pense un peu concernant la planète. Ces sacs de plastique, mais aussi nous les femmes et des hommes africains, on a des doigts, des artisanats, qu'on mette ça en valeur. Comme par exemple, j'ai fait une petite étude, j'ai vu que les femmes qui travaillent à Port de Namur, qui passent toute leur journée de tresser, de travailler, ils sont que 20 à 30 euros par jour. Or que tu commences à 8h du matin, jusqu'à presque 7h, 8h, du soir, tu travailles pour rien parce qu'ils savent que tu n'as pas de diplôme. Ils savent que tu n'as pas de papiers. Et donc, ils exploitent ça. Et donc, mais si vous avez vos diplômes de coiffure, de tresse, il n'y a personne qui va t'exploiter parce que tu peux prendre ton diplôme. Et ici, en Europe, il n'y a pas d'école de coiffure africaine. Et c'est ça que j'essaie de créer maintenant. On a une école, pour qu'on suive des formations. Qu'on puisse valoriser nos savoir-faire, que ce qu'on connaît toujours dans nos pays. Il ne faut pas baisser les bras disant parce qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les papiers, on n'a pas le droit de se former. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais aucun bagage intellectuel, mais il fallait que je suive des formations, de lire et d'écrire. J'ai écrit des bouquins, j'ai créé le GAMS. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, vous faites www.gams.be, vous allez voir tout le parcours du GAMS. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le papier, on n'a pas de rêves. On a des rêves. Et ces rêves-là, tant que tu as des rêves, tu vas les atteindre. Mais c'est celui qui n'a pas de rêves qui n'atteint rien du tout. Mais quand tu as des rêves, ici, c'est le 8 mars, on va se mobiliser. On va taper très fort. On va les dire, on est là. De toutes les façons, vous acceptez, vous n'acceptez pas, on va être là. On va boire votre eau, on va manger. Donc, faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas nous mettre dans le bateau, nous renvoyer. De toutes les façons, Erdogan a ouvert les portes. Ils les ont donné 6 combien de milliards ils ont donné à Erdogan? Donc, moi, je suis sortie dans la plateforme pour l'immigration parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas normal. Je dis, les 8 milliards, là, s'ils avaient partagé ça pour les pays africains qui accueillent les immigrants, ça n'aurait été mieux que donner une seule personne, un seul pays, 8 milliards d'euros. Kenya et l'autre pays, ils ont eu que 400 ou 500 000 euros. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça? C'est vraiment, l'écart est énorme. Je dis ça, si c'est moi, je ne peux pas participer à cette négociation. Je dis, soit on fait moitié-moitié, soit on fait rien du tout. Mais bon, voilà, tu sais, c'est toujours le chef qui gagne. Le pauvre ne gagne jamais. Donc, c'est pour vous dire merci de m'avoir invité. Et je suis à tout cœur avec vous. Et si vous avez besoin de moi, j'ai mes cartes, je vous donne et vous appelez au GAMS. Je suis à votre disposition. Ben voilà, c'était l'intervention de Kadiatou Diallo de l'ASBL GAMS. Et je voulais juste vous poser la question. Parce qu'elle donne un peu un message d'espoir, et donne un message de combat, de continuation. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit quand elle parle? Et je pense aussi pendant la conférence, vous avez parlé beaucoup de pourquoi on n'a pas le droit de faire des formations, pourquoi on doit juste rester chez nous et on ne peut rien faire. Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Qu'est-ce qu'elle propose? D'abord, moi, je vais dire que c'est une femme forte. Quand quelqu'un quitte son pays pour aller ailleurs, c'est juste pour se sentir en sécurité. Si on est en sécurité, on reste chez soi. Donc tout le monde se déplace pour chercher un endroit où il peut se sentir à l'aise, en paix, en sécurité. Vraiment, ça m'a touchée parce que s'est mariée à l'âge de 12 ans, donc elle était encore mineure. Hein? C'est pas normal. Mais c'était une femme qui avait quand même des rêves. Et parce qu'elle a quitté son pays, elle est venue ici, c'est ce qui a fait qu'elle a pu tout réaliser. C'est quand même une femme intelligente. Si elle était toujours dans son pays, elle allait toujours être là, en train de faire les enfants, toujours derrière là-bas, dans la cuisine préparée. Or, elle avait aussi quelque chose en elle. Elle pouvait aussi porter quelque chose dans la société. Donc, c'est ce que je peux dire, voilà. Comme beaucoup de femmes, d'ailleurs. Pour des formations, oui, pour des formations. Peut-être dans ces temps-là, quand elle était venue, oui, c'était possible. Mais pour le moment, nous sommes là dans la même situation là, des sans-papiers. Je vous dis, c'est difficile pour faire même des formations. Comme moi, par exemple, pour le moment, j'ai introduit une demande de régularisation. On m'a donné l'annexe 3. Avec cette annexe, je peux faire une formation, mais pas toutes les formations. Il y a des formations où moi je peux faire, mais pas toutes. Et parmi ces formations-là, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Vous voyez? Alors, comme il n'y a pas d'argent, donc je ne peux pas. Je ne sais pas faire ces formations. Donc, c'est toujours difficile. Donc, nous sommes là, harcelés même moralement. Il y a des insomnies. On ne mange pas bien et quand on ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Tout le temps, on est triste. Et c'est la santé aussi. Vous voyez, ça ne s'arrête pas là. C'est la santé aussi qui est détruite. Donc, ce que moi je peux dire, voilà, il faut chercher seulement comment s'en sortir de cette situation. Comme moi, par exemple, je m'occupe. Je n'aime pas vraiment rester comme ça à la maison sans rien faire. Je suis quand même dans un atelier de couture, des comités de femmes. C'est chaque mardi et vendredi. Donc, je suis toujours là pour ne pas rester seule à la maison. Au moment où les enfants sont à l'école, donc je cherche toujours à faire quelque chose. Si ce n'est pas les jours de l'atelier, je préfère même sortir, aller me balader, vous voyez, pour essayer un peu de me débarrasser, voilà. Parce que quand on est toujours là, tu es seul à la maison, personne, tout ce qu'on fait, c'est de réfléchir. La tête ne fait que tourner, qu'est-ce que je dois faire, où je vais frapper, ou par quelle porte je dois frapper. Et ça détruit la santé. Vraiment, moi, je la félicite. Elle a vraiment montré qu'elle a pu quand même réaliser ses rêves. Et quoi, ses rêves. C'est vraiment une bonne chose. C'est aussi un exemple pour toutes les femmes, mais sans papier, c'est difficile toujours. Oui, parce que je pense qu'elle a fait beaucoup de temps là-dessus. Hein. Oui, donc oui. Elle dit en 1996, elle a commencé à créer cette ASBL. Mm-hmm. À ce moment-là, elle était aussi sans papier parce que mariage forcé n'était pas reconnu comme un critère pour avoir un asile. Mm-hmm. Et c'est qu'en 2005, quand elle était reconnue, si j'ai bien compris, donc femme de l'année, qu'elle a pu pousser un peu, mettre la pression sur la politique pour régulariser les femmes qui étaient, comment on dit ça en français, excisées. Mais désolée, je suis une randophone de base et de temps en temps il y a des mots qui m'échappent. Voilà, donc c'est un long combat aussi, hein, donc elle n'a pas, voilà. C'est une battante. Mais je pense qu'elle veut vraiment donner un soutien. Et je pense que quand elle parle de formation, si j'ai bien compris, c'est donner l'occasion quand même à des femmes à apprendre quelque chose pour après, une fois qu'ils ont les papiers, de faire un vrai métier. Allez, un métier qui est mieux payé que les métiers que les femmes doivent faire maintenant. Voilà. Alors... Bon, elle a presque tout dit, hein, parce que les époques ont changé, comme elle a dit dans son discours, les époques ont changé, les choses ont changé. Il est bien vrai, on n'a pas les mêmes parcours aussi. Moi, par exemple, moi j'ai fui la politique chez moi. Moi, c'est la politique que j'ai fui. Moi, j'ai fui une dictature. Donc, quand je suis venue ici, j'ai laissé mes enfants derrière. C'est pas facile, c'est pas presque les mêmes combats, c'est la même souffrance, mais c'est pas les mêmes combats. Et effectivement, comme a expliqué ma sœur, actuellement la formation c'est pas facile. Si je prends mon cas, quand j'étais au centre, j'avais fait un test pour faire une formation. J'ai eu le texte le jour où on devait commencer la formation, c'est ce jour-là on m'a donné l'ordre de quitter. Donc, depuis que je suis sortie du centre, ça fait 3 ans. J'ai fait le tour de Bruxelles, mais il n'y a pas moyen de faire une formation quand tu n'as pas de papier. Aucune école ne t'accepte. Aucune structure ne t'accepte sans les papiers, vraiment. Les formations qu'il y a, ben, c'est, comme elle l'a dit, c'est les formations payantes. Et ça, il faut être... dans la procédure pour pouvoir obtenir ces formations. Donc, les époques ont changé. Peut-être à leur époque, il y avait possibilité de faire la formation sans avoir les papiers. Mais là, les choses se durcissent d'année en année et les femmes sont plongées dans les souffrances indescriptibles parce qu'il n'y a pas d'issue, en fait. Donc, la seule issue, c'est, comme elle a dit, c'est de mener le combat. C'est de ne pas nous décourager, de mener le combat jusqu'à ce que les choses changent. Mais pour le moment, ce n'est pas facile. Donc, Oui. Moi, ça ne m'étonne pas, c'est ce qu'elle a dit. C'est qu'on a subi à peu près la même chose. Je suis là à cause des parents aussi, mariage forcé et autres là. Le problème, le gros problème, on nous impose tout ça là. Et puis, on laisse tout, on s'enfuit, on dit on vient dans un pays de droit pour vraiment avoir une vie de meilleure. On vient, on trouve le contraire. Vraiment, ça traumatise. Les enfants sont là derrière. Il y a trop de problèmes, ça traumatise. Mais le problème, comme c'est un combat, comme elle a dit, il ne faut jamais se décourager, il faut lutter. Peut-être un jour, il y aura un changement. Sinon, pour le moment, ça ne va pas. C'est ça. Il faut se battre. Et quand tu dis l'annexe 3 te permet de faire des formations, c'est quel genre de formation qu'on te permet de faire ? Bon, moi, j'étais partie voir... j'étais à meeting. J'essayais de parler ça avec Ronnie et un monsieur comme ça qui travaille à meeting pour le problème juridique. Alors, il m'a aidé, on est allé sur l'Internet, comme lui, il connaît quand même des sites là, il a cherché. Il y avait quand même des formations, ce sont des formations, comme on dit, punirées, ici c'est punirées là, c'est ça les mots. Hein. En pénurie. Voilà, c'est ça, voilà. Les métiers en pénurie. C'était ce genre de formation, et c'est payant, c'est pas gratuit. Et moi, suite à ma santé... Moi, je voulais faire la vente. J'ai dit la vente au moins parce que moi, je ne peux pas faire un travail où je dois tout le temps rester debout ou trop longtemps assise. Ce n'est pas vraiment bon pour moi. Alors, j'ai dit, je vais faire la vente. Et la vente, là, c'était aussi c'est payant. Donc, ce n'était pas toujours gratuit. Alors, jusqu'à présent, il m'a donné la liste, mais je n'ai pas pu aller me faire inscrire. Parce qu'il faut d'abord, pour s'inscrire, il faut payer aussi. L'inscription aussi est payante. Donc, voilà. C'est ça. Et alors, vous faites, puisque vous ne pouvez pas faire de formation, qu'est-ce, à part essayer de militer pour avoir une régularisation, parce que c'est compliqué, ça fait longtemps que vous êtes là, ça fait 10 ans pour toi, ça fait 4 ans pour toi, 4 ans pour elle, 10 ans pour elle. Comment vous vivez alors dans la vie, qu'est-ce que vous faites à part faire des militances, comment vous vous en sortez en fait? C'est pas facile. C'est pas facile. La dernière fois, j'ai dit dans un de mes discours, je ne sais plus où, parce que dernièrement j'en tiens beaucoup. J'ai dit que si le gouvernement n'essaye pas de voir la situation des femmes sans papier, c'est de se rendre complice de l'exploitation de ces femmes. Parce qu'on est obligé de travailler au noir, il faut le dire, il faut bien qu'on vive. On est obligé de travailler au noir, on est obligé de travailler dans des conditions très difficiles pour être très mal rémunéré. Donc on ne peut pas rester là. Il faut qu'on se nourrisse, il faut qu'on s'habille, il faut qu'on vive en un mot. Donc on travaille au noir, on nous exploite, nous subissons toutes sortes de choses. On ne peut pas aller à la police, on ne peut pas se plaindre parce qu'on n'a pas le droit de séjour dans ce pays. On est obligé d'accepter tout. C'est ça notre quotidien en fait, la souffrance. Donc il faut que les décideurs pensent à tous les sans-papiers en général, mais plus particulièrement aux femmes sans-papiers. Parce qu'on est exploité. On est vraiment exploité. C'est ça le mot. Exposé à tout. Oui, exposé à tous les dangers. Et vous participez, vous vivez toutes les trois, vous vivez dans des squats en fait. Bien sûr. Vous c'est à Saint-Josse. À Saint-Josse, et toi c'est pour l'instant au Sablon. Et comment ça se passe? Est-ce que le fait de vivre en communauté, ça vous donne du courage, ou est-ce que vous aimez mieux vivre chacun pour soi, si vous pouviez avoir un logement? Comment ça se passe? Oui, vivre ensemble, ça peut nous aider à quand même oublier un peu nos soucis, parce qu'on vit entre nous, chacun a son lot de souffrance, chacun a son problème, donc on s'explique, on cherche à trouver des solutions, mais dans la vie, tout le monde aimerait vivre en intimité. Parce que vivre à 5 ou 6 dans une chambre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Vous n'avez pas les mêmes habitudes, vous n'avez pas les mêmes horaires. Vous ne dormez pas de la même manière. Donc, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. Nous vivons dans des conditions très difficiles, mais nous sommes obligés. On s'accepte parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, sinon, c'est une vie en enfer. Hein. Ce n'est pas du tout facile. On n'a pas subi les mêmes éducations, on n'est pas venu du même... Même si on vient dans le même pays, mais il y a les différentes... je ne sais pas quoi... religions ou autres, là. Donc, tout ça, là, ça arrive. Donc, des fois, moi, je suis là, bon, elle dort, par exemple. Moi, j'ai envie de faire quelque chose, je peux la déranger. Donc, il y a beaucoup de petites choses dans ça que ce n'est pas facile à gérer. Mais on s'accepte parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de moyen. Donc, c'est ça pour le moment. Non, c'est pas facile. Moi, je peux dire, comme là où moi je suis, là-bas chez nous, quand même, chacune a sa chambre. Mais la douche, c'est commune, tu vois, la cuisine. Donc, il y a des fois, comme mes sœurs ont dit, toi, tu peux aller, tu peux ranger de ta façon, mais il y a une autre personne qui vient, elle aussi, elle fait comme elle veut. Oui. Mais tu vas parler. Voilà, qui va t'écouter? Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde. Donc, c'est difficile. C'est difficile vraiment de vivre. Comme ma sœur a dit, voilà, on n'a pas reçu de même éducation. On vient un peu de différents pays aussi, de différents pays. Donc, on sait seulement de se supporter. On essaie de se supporter. Sinon, si ce n'est pas ça, c'est difficile de vivre ensemble. Très. Vraiment, il y a des incompréhensions totales. Totales. Tu vois. Et nous qui avons des enfants, c'est comme ça. Oui. Ton enfant fait ça, et mon enfant fait ça, oui. Et voilà. Et après, ça laisse les enfants, c'est les parents. Oui. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça. Donc, on va peut-être passer un petit morceau de musique. Tout est noir, tout est noir, dans ma vie, car tout est noir. encore l'émission Tranjanar avec la parole aux femmes sans papier. J'avais juste une question, parce que vous avez déjà beaucoup dit que vous faites plein de témoignages pendant des conférences, pendant des débats politiques et autres. Et je voudrais juste savoir, qu'est-ce que sont les réactions du public dans la salle quand vous faites vos témoignages? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là aussi révoltés? Est-ce qu'il y a des gens, même des réactions au niveau politique quelconque? Ou est-ce que les gens juste sont perplexes, ils disent rien et... Je dirais que les gens sont perplexes souvent quand ils entendent les témoignages des femmes. Parce que il y en a qui ne savent pas aussi. Hein. Il y en a qui ne savent pas la situation que vivent les femmes sans papier. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas parce que vous savez, une situation, si tu ne l'as pas vécue, ou bien tu ne côtoies pas les personnes qui vivent cette situation, tu ne peux pas le savoir. Donc, c'est pourquoi, actuellement, on accepte de faire des témoignages, on accepte de parler pour que nous obtenions plus de soutien pour la régularisation, pour que nous quittions cette situation. Donc, parce qu'on ne peut pas se taire. Si on se tait, ce n'est pas bon pour nous. On meurt à petit feu. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on cherche les soutiens, il faut qu'on vulgarise notre situation. Donc, pour le moment, politiquement, je ne sais pas s'il y a des réactions. Parce que moi, j'espère que s'il y a des réactions politiquement, ça doit être la régularisation pour nous sortir de cette situation. Parce que les sans-papiers qui sont là, on veut travailler. On a la volonté de travailler. Donc, c'est les moyens qui nous manquent. Donc, moi, j'espère que s'il y a une réaction politique, que ce soit la régularisation. D'autres réactions, c'est pour qu'on nous soutienne dans notre combat, pour que la situation change. Et pour ça, encore une fois, l'appel à la manifestation. Ah oui. Le 19 avril. Le 19 avril, à la gare du Nord. Pour venir très nombreuses. Pour venir très nombreux à la manifestation. Il faut que les sans-papiers, hommes ou femmes, qu'on accepte de sortir de l'invisibilité, comme je l'ai dit tantôt. Il faut qu'on accepte de sortir de l'invisibilité, qu'on visibilise notre situation, qu'on sorte du noir pour que les politiques sachent que nous sommes là. Et que vraiment, ils acceptent d'entendre le mot régularisation. Une régularisation sur base de critères clairs et permanents. C'est notre souhait, c'est notre combat. Donc, nous invitons tous les sans-papiers le 19 avril 2020 à la gare du Nord à 13h pour une campagne de régularisation. Merci. Voilà, donc je voulais essayer aussi parler d'un événement qui a eu lieu, c'était la semaine dernière. C'était un événement artistique qui a été initié par Serge Noël, où il a composé un groupe, enfin il a composé avec plusieurs femmes. Il y a eu des femmes de VSP, la Voix des Sans-Papiers. Il y a eu des femmes du groupe d'une femme qui s'occupe des violences conjugales. Et puis, certaines femmes du comité des femmes sans papier qui ont participé à un projet artistique qui s'appelait L'art brut pour faire valoir nos droits. Et donc, l'exposition était jeudi, je crois. C'était jeudi dernier. C'était samedi dernier. À la Voix des sans-papiers, dans leur nouveau local qui était... à XL, oui, VSP, dans leur nouveau local qui était à XL. Mm-hmm. Et j'étais très agréablement surprise parce que j'ai vu. Ah oui, ça m'a beaucoup émue parce que j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Ah oui. Et est-ce que je pense pas que. Je sais que toi, tu n'as pas participé, mais vous deux non plus, vous n'avez pas participé. Mm-hmm. Mais est-ce que pour vous, c'est important de faire des choses aussi comme ça, de participer à des projets qui peuvent être des projets artistiques, si on vous en propose d'autres. Bien sûr, c'est important pour nous. Voilà, pourquoi pas. C'est quand même important, c'est que les femmes ont fait, ils ont montré quand même leur capacité. Moi, je n'avais pas participé, mais j'avais vu seulement les vidéos, m'avaient envoyé par WhatsApp. Vraiment, moi aussi, j'étais étonnée. C'était quand même beau, hein, ce qu'ils ont fait là. J'avais vraiment aimé, malgré que je n'ai pas pu participer. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va toujours les faire. Hein. Ouais. C'est ça. C'est intéressant, on va les faire. Donc, s'il y a d'autres projets qui se présentent, on veut toujours donc faire appel. Bien sûr, bien sûr. Mais cette exposition, elle risque d'être. En fait, c'est décidé ce soir. Je crois qu'il y a eu une réunion encore ce soir, une espèce de débriefing de ce qui s'est passé. Et donc, Serge Noël est prêt à faire une exposition itinérante. Et j'ai parlé justement pour la fin du mois de juin. Et il est tout à fait d'accord. Donc il faut qu'on le rencontre, mais c'est vrai que c'était génial. Ouais. Oui. C'était vraiment super. Il y avait plein de choses qui étaient très émouvantes. Sûr, c'était très et les femmes étaient tellement contentes en plus. Ah, oui. Elles étaient vraiment. Moi ça m'a beaucoup émue. On aimerait vraiment participer à des projets comme ça. Mmh. Ça va nous aider à évacuer le stress, à oublier. Et en plus à se sentir utile. Ça vous permet de vous rencontrer aussi toutes. Oui. Parce que c'est important de pouvoir se rencontrer, même dans la joie ou dans la création, dans d'autres choses. Oui. Je pense que c'est super important pour vous. Oui. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des choses à rajouter. Moi, je voulais parler un peu pour la carte médicale. Parce qu'on dit que non, c'est gratuite la carte, mais je ne pense pas qu'elle est gratuite. D'abord, pour l'avoir, il faut faire des démarches administratives, alors ce n'est pas facile. Il faut d'abord aller chez les médecins traitants, d'abord tu commences au CPS, CPS t'envoie chez les médecins traitants, après médecin traitant, tu retournes au CPS. Et à chaque 3 mois, il faut prolonger la carte et tu fais la demande. Pour qu'on te donne la carte, ça doit d'abord passer toujours au comité. Et les gens peuvent mourir comme ça en attendant que la carte soit prolongée. Parce que si tu vas à l'hôpital comme ça, on ne va pas te recevoir. Il faut que tu aies ta carte médicale. Alors moi, je pense que ce n'est pas gratuit. Même pour avoir les médicaments. On part à la pharmacie comme ça, le médecin a prescrit le médicament, mais tu arrives là à la pharmacie, on vous dit que non, ça, vous n'avez pas droit. Ce n'est pas remboursable. Donc, si vous voulez avoir ces médicaments-là, il faut payer. Sans revenu, on va payer ça comment? Voilà. Il faut qu'on revoie aussi les problèmes-là de la carte médicale. Moi, je pense que c'est pour peut-être détecter si nous avons des maladies qui seront peut-être contagieuses pour eux, mais oui, voilà, parce que si c'est vraiment pour nous faire soigner, moi, on ne peut pas faire des tours là qu'on fiche à chaque fois. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. En fait, pour préciser au niveau de nos auditeurs, chaque personne qui demande l'asile a le droit la personne sans papier. Oui, les personnes sans papier qui demandent l'asile ont droit à une carte médicale d'urgence, ce qu'on appelle une carte médicale d'urgence. Toute personne qui vit en Belgique avec ou sans papier, toute personne qui vit en Belgique sans papier a droit à la carte médicale d'urgence. Oui. Mais finalement. Oui, tout le monde ne connaît pas, mais. Oui, mais donc c'est le seul droit, soi-disant, qu'on donne aux personnes sans papier. Qui n'est pas vraiment un droit. Mais il faut juste préciser quand même que, parce que c'est vrai que ce que tu dis, hein, c'est pas facile du tout pour l'obtenir et pour prolonger, mais quand même, quand les personnes sans papier ont quelque chose, un accident ou quelque chose grave, il faut quand même aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital même, ils sont obligés de te donner d'acte médical de la commune où l'hôpital se trouve. Il faut juste dire que vous n'êtes pas des moyens pour payer et vous demandez l'assistance sociale de l'hôpital et ils doivent vous soigner. Donc même à ce moment-là que ta carte n'est pas prolongée ou rien, ils ont l'obligation de te soigner. Donc juste pour dire que les gens vont quand même aller pour préciser que les gens savent qu'ils ont droit d'aller à l'hôpital et être soignés, quoi. Mais comme moi je dis, ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que les problèmes des sans-papiers là, il y a d'autres personnes qui ne sortent pas. Vous voyez, nous comme on a l'habitude de sortir, comme on se promène, il y a des gens qui nous demandent, mais toi tu es sans-papiers, tu n'as pas peur, pourquoi tu es tout le temps dehors? Voilà. Parce que j'ai compris quand même quelque chose. Comme on a dit toujours, on ne peut pas rester seul. Il faut sortir. Quand on est avec les autres, on apprend aussi des choses. Oui, tout à fait. Regardons maintenant pour les gens qui ont peur là de sortir parce qu'il n'a pas de papier ou n'a pas de papier. Ils pensent que s'ils sortent seulement, peut-être ils vont croiser un policier ou lui demander la carte d'identité. Il y a pas, il sera. On va le mettre dans un centre fermé, des choses comme ça. Mmh. Ils ne sont pas informés. Et il y a des gens comme ça qui ne savent pas qu'il faut aller au CPS pour faire la demande d'une carte médicale. Et ils sont là. Vous voyez, ils sont là. Mais c'est seulement difficile. C'est seulement difficile. Il y a certaines personnes qui savent que, oui, ils ont droit à la carte médicale, mais à cause d'adresse, ils n'ont pas droit à la carte médicale. Parce que même quand tu vas au CPS, on te demande une adresse. Si tu n'as pas d'adresse, on te refuse la carte médicale. Ouais, la carte médicale, ce n'est pas donné à tous les sans-papiers aussi, il faut le préciser. Parce que même quand tu vas au CPS pour dire que oui, je vis ici, tant que tu n'amènes pas une adresse où tu vis, on ne te donne pas de carte médicale. Donc il y a des milliers de sans-papiers qui vivent ici qui n'ont pas droit à la carte médicale. Ce n'est pas parce qu'ils ne le savent pas, ils savent que la carte médicale existe. Mais parce qu'ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas droit à la carte médicale. C'est vrai, ça m'est arrivé. Lorsque j'étais sans adresse, je suis tombée malade. D'abord, je suis partie vous avez dit, médecin du monde, quelque chose comme ça là. Ils m'ont demandé, j'ai fait sortir mon identité que j'avais. Ils disent que je ne suis pas l'une de leurs patientes qui ne me prennent pas. Donc pour ça, il faut passer par-ci, par-là, des trucs comme ça là. Maintenant, je suis allée maintenant à CPS, au CI. Après, maintenant, j'ai cherché une adresse. Maintenant, un jour, je suis allée à CPS. Maintenant, ils m'ont prescrit, ils m'ont dit d'aller à la Fontaine, la clinique Fontaine. Je suis allée, je me suis fait consulter. Après, ils m'ont prescrit des ordonnances. Je viens maintenant pour payer, pour prendre les médicaments à la pharmacie. D'abord, j'ai passé par la CPS. Ils disent qu'ils ne prennent pas en charge parce que je n'ai pas d'abord le carnet médical. Donc, ils ne me prennent pas en charge. Ça a resté un peu longtemps. Je n'ai pas acheté les médicaments là. C'est après maintenant que je me suis inscrite, maintenant ils m'ont donné une autre carte médicale que j'ai fait une autre consultation, maintenant j'ai reçu le produit. Donc sans adresse, tu n'as pas droit à un carnet médical, non. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que c'est un droit qui est lié à la résidence, le séjour en Belgique. Ils veulent donner ça seulement les soins médicaux aux personnes qui peuvent prouver qu'ils vivent en Belgique. Ouais. Non, mais je n'ai pas dit que les droits en Belgique, il y en a, mais ils n'ont jamais exécuté. Quoi, tu vois. Non, mais c'est ça que je veux dire. Tu te présentes dans un hôpital, c'est pas ton nombre qui est là, c'est toi qui es là. Mm-hmm. Si tu n'as pas de droit de séjour, ça veut dire que tu n'as pas d'adresse. Moi, personnellement, ça... Non, mais là, c'est l'adresse de l'hôpital. Donc, c'est l'adresse de l'hôpital. Même l'hôpital, moi, ça m'est arrivé parce que moi, j'ai sillonné, j'ai fait... 3-4 communes avant d'avoir la carte médicale. On me refusait toujours. On me refusait toujours. J'ai fait la commune d'Anderlecht, j'ai fait la commune de Mille Bruxelles, j'ai fait la commune de XL. Ils m'ont dit carrément non, ils ne me donnent pas la carte médicale. Un jour, j'ai failli m'évanouir dans le cabinet d'une femme, d'un médecin. J'avais pas la carte médicale. Elle a crié, elle a voulu porter plainte contre l'assistance sociale parce qu'elle me refusait la carte médicale. Et visiblement, j'étais malade. J'étais malade. J'étais diabétique. J'avais fait 3 mois sans soins, mais on m'a refusé la carte médicale parce que je n'avais pas d'adresse. C'est quand j'ai eu la place au squat qui était là que j'ai eu la carte médicale. Donc, ça veut dire que même si tu vis ici en Belgique, parce que moi, j'avais prouvé avec tous mes papiers, je venais de sortir du centre. J'ai prouvé mes papiers que j'étais au centre, je venais de sortir du centre. Donc, je n'avais pas où loger, je n'avais pas où aller. Mais ils m'ont dit non. Sinon, si tu prouves avec tes papiers que tu es sorti d'un centre, ça veut dire que tu vis ici en Belgique. Mais ils ne m'ont pas donné la carte. Donc, c'est beaucoup de problèmes à résoudre et beaucoup de choses qui ne sont pas encore très, très logiques. Donc, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est presque 10 heures, il est moins 5 minutes. On va passer un petit morceau de musique et après, je vais faire mon agenda pour la semaine prochaine. Et voilà. Alors, nous allons faire l'agenda. Alors, samedi 14 mars à 10h. Alors, il faut savoir que sur 2 jours, il y aura 48 heures contre les violences policières. Une programmation la programmation, vous la trouverez sur Indie Media Bruxelles. C'est des conférences, des débats. Le lieu n'est pas encore fixé. Il est à venir. Ça sera fixé au dernier moment. Donc ça se passe donc du samedi 14 mars au dimanche 15 mars inclus. Il y aura également à 10h le samedi 14 mars au DK rue du Danemark, 70B à 1060 Bruxelles, pour préparer la manifestation santé, un atelier banderole calico pancarte. Et également le samedi 14 mars à 15h30, chez Akrata, rue de la Grande-Île à 1000 Bruxelles, une discussion sur la révolte au Chili. Voilà, alors le dimanche 15 mars à 11h, 150 avenue Stalingrad, Bruxelles, rassemblement stop aux violences policières. Ça fait partie donc de tout l'événement 48 heures contre les violences policières. Donc, vous pouvez toujours regarder sur Indie Media la programmation de cet événement. À 11h, journée de formation à l'action directe et la désobéissance civile à Bruxelles, qui est initiée par Agir pour la paix. C'est gratuit, mais sur inscription. Le lieu sera renseigné lors de l'inscription. Il faut apporter son sandwich et sa salade et en possibilité de se restaurer dans les magasins des environs. À 13h30, donc dans le cadre des 48 heures contre les violences policières, à l'autre caserne, rue de la caserne 86 Bruxelles, Mathieu Rigouste, chercheur indépendant antisécuritaire et auteur de la domination policière et d'un seul héros, le peuple, va analyser... va analyser que les logiques coloniales sont toujours présentes dans les ex-pays coloniaux suite au constat de la répression de l'État belge vis-à-vis des populations racisées qu'il a exploitées. Alors, le dimanche 15 mars encore, à 15h, à l'AJT 114 rue Gaucheret, il y aura un café féministe en mixité choisie, sans hommes cisgenres. Alors, le lundi 16 mars 2020, à 19h, Maison de la Paix, rue Van Helvick, numéro 35 à Ixelles, rencontre avec deux défenseurs de l'agriculture paysanne à Negros, aux Philippines, à quelques semaines de la Journée internationale des luttes paysannes, qui aura lieu le 17 avril. Alors, avec Peace and Development Group, Quinoa ASBL, Fian Belgium Fian, Brigade d'Action Paysanne. À 19h, à l'Anarchive, 131 Avenue Boyle à Ixelles, une projection, Bienvenue à Gattaca, film sur l'eugénisme dans une société futuriste, suivi d'un débat, quel est notre rapport aux biotechnologies et leurs capacités de surveillance et de contrôle. Le mardi 17 mars 2020, à 10h30, au Point Culture, Bruxelles, rue Royale 145 à Bruxelles, les fondements antidémocratiques de nos régimes politiques et la capacité de l'État à façonner la technologie dans un but de contrôle social, analysé par Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et société du CNRS et post-doctorant aux séries Sciences Po. À 19h30 au Piano Fabrique, 35 rue du Fort, antiracisme et anticapitalisme aujourd'hui, pour recréer dans un contexte empreint de plus en plus de racisme, un rapport de force antiraciste et renouer des solidarités. C'est organisé par la formation Léon Le Seul, en collaboration avec la gauche anticapitaliste. Alors, le mercredi 18 mars 2020, à 18h, au Rainbow House, rue du Marché au Charbon, numéro 42 à Bruxelles, transgenre, qui sont-elles? Quels sont leurs questionnements? Quel parcours de transition? Quelle discrimination? Voilà. Et alors, vous avez aussi... Le jeudi 19 mars à 18h30 à l'ULB, The Lobby USA, c'est un film ou un documentaire produit par l'unité d'investigation d'Al Jazeera qui dévoile les campagnes d'espionnage et de diffamation orchestrées par l'État d'Israël et ses proxys américains. Un réseau de groupes de lobby pro-Israël qu'un journaliste infiltre avec une caméra cachée. Donc ça se passe à l'ULB, avenue Franklin Roosevelt, numéro 50 à Bruxelles. Ensuite, vous avez également, donc c'est toujours ça, c'est le jeudi 30. Ça se passe dans la campagne Israël Apartheid Weekend 2020. Et dont le thème est United Against Racism. Et ce film, en fait, ce lobby USA sera rediffusé le 20 mars à l'AJT 114 rue Gaucheret à Bruxelles à partir de 18h30. Et donc il sera donc il y aura des discussions sur l'apartheid israélien et en présence donc de ce journaliste infiltré dans ce documentaire. Voilà. Et puis ensuite le 20 mars également à 18h30, vous avez à Bruxelles Laïque, 18-20 avenue Stalingrad, grève en France, quelles leçons pour gagner. Donc c'est une conférence débat avec une journaliste de Mediapart, Mathilde Guanec, un technicien du nucléaire spécial national Sud Énergie, Jérôme Schmitt, et Felipe de Kirsblick, secrétaire général du CNE Commerce Syndicat des Travailleurs du Commerce. Voilà, pour essayer de réfléchir quels rapports de force ont été établis et comment, quelles sont les perspectives de cette mobilisation, quelles leçons pouvons-nous en tirer, quelle solidarité concrète pouvons-nous construire. Voilà, c'est tout. Vous souhaitez une bonne soirée. Mais bonne soirée à tous et on remercie beaucoup toutes les femmes sans papier qui sont venues, les trois femmes sans papier qui sont venues pour exposer leur situation qui est quand même extrêmement difficile ici à Bruxelles, surtout dans des pays soi-disant démocratiques. Ouais. Ils sont très courageuses en tout cas. Et elles sont très courageuses. Très courageuses. Merci beaucoup, Alain. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.